le jeu le plus loué dans les super clubs Vidéotron. C'est NHL 10 sur Xbox 360. Voilà pour les jeux les plus loués. Avant de continuer avec la chronique de mardi, ben, on s'en va entendre un petit peu de musique. Donc voici à l'instant même Gatineau et Fuse Cognitif. Vous êtes à CNX.zip au 89.1 FM. C'est fou! Aujourd'hui, je sais que tu as envie d'entendre parler de gadgets stupides ou utiles. J'ai toujours envie d'entendre de choses stupides, d'entendre parler de choses stupides, moi. Ben, avec moi, c'est pas mal ce que tu as, hein? C'est ce que je t'offre. Donc, commençons avec un gadget que je trouve bien. L'idée est bonne. Tu sais, t'as sûrement, ben, pas toi. Moi, j'ai abandonné mon téléphone de maison depuis des années. Je trouve que ça sert absolument à rien quand t'as un cellulaire. C'est mon avis. Ben, tu vois, je pense exactement la même chose, mais moi, j'ai abandonné le cellulaire. Donc, t'as plus aucun moyen de communication sauf un beeper, je pense. Ouais, c'est ça, ma pagette. C'est un fax. Non, j'ai un téléphone de maison, contrairement à toi. Moi, j'ai le contraire de toi, tu vois. Bon, je fais le contraire. Chacun son choix. Et voilà. Donc, pour ceux qui ont abandonné leur téléphone de maison, peut-être que ce gadget-là va vous faire revenir à ça un peu. En combinant l'idée d'un cellulaire et l'idée d'un téléphone à la maison. Donc, c'est le nouveau téléphone de Panasonic, le KX, trait d'union TG9382T, évidemment. C'est quoi de plus court et rapide que ça? C'est un téléphone à deux lignes qui vient avec du Bluetooth. Donc, ça vous permet non seulement de l'utiliser avec un écouteur, une oreillette Bluetooth pour l'utiliser les mains libres, mais aussi, ça vous permet de transférer sans fil jusqu'à 600 contacts de votre téléphone Bluetooth vers directement dans le téléphone de maison. C'est quand même vraiment bien technologiquement. Il y a aussi un répondeur style de 40 minutes. Donc, vous n'avez pas à payer pour la boîte vocale de votre compagnie de téléphone. Il y a la conférence à 3. Il y a le mode silencieux qui vous permet de programmer la sonnerie pour qu'elle arrête de sonner entre telle heure et telle heure. Par exemple, la nuit, ça ne sonnera pas du tout. C'est vraiment bien. Ça coûte 170$ pour un seul téléphone ou une unité double à 230$. Au pire, c'est Panasonic qui fait ça. L'idée est super bonne. T'sais. Ça combine deux technologies. Hein? Mm-hmm. Pas d'accord? C'est magique. Tu n'achèterais pas ça? Non. D'accord. Si vous êtes un parent, Kiwan, t'es pas un parent encore? Non, pas ce que je sache. T'as pas des mères célibataires un peu partout au Québec? Je penserais pas, non. Donc, si vous êtes un parent et que vous avez des enfants de la génération iPod, sûrement que vous dites tout le temps à vos enfants, baissez le volume de votre iPod parce que c'est trop fort, ça peut vous endommager les oreilles. Hein? La réaction habituellement, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je t'ai pas entendu. Parce que c'est ta mère, en fond, qui dit ça, bref. Ah, c'est ça. Vu que tu es un enfant de la génération iPod. Ah, moi, je suis de toutes les générations en même temps. Je connecte à la communauté avec les différentes générations. Je passe partout et tout. Donc, MyPhones. Key to MyPhones, c'est ça? Hein? La clé des MyPhones. Je traduis mal l'article, mais le MyPhones, c'est son avantage particulier, d'accord? C'est qu'il y a une limite de 85 décibels. C'est le maximum que ces écouteurs de 40$ là vont permettre. La limite de 85 est fixée par plein d'experts. C'est l'Académie des pédiatres. Et tout plein d'autres experts en oreilles, disons. C'est la limite qu'ils ont fixée, 85 décibels. En plus, ben, c'est des écouteurs avec les écouteurs sont par-dessus l'oreille et non dans l'oreille, d'accord? Ça offre des coussins de caoutchouc et tout ça. Donc, c'est super confortable. Et le fil, une autre clé du produit, c'est que le fil est heavy duty, comme on dit dans le domaine. Donc, fait très, très fort. Tu sais, avec des enfants, ils vont tirer sur le fil. Et la première affaire qu'ils lâchent dans une paire d'écouteurs, c'est pas mal tout le temps le fil. C'est toujours le fil. Donc, voilà, 40$, c'est sur myphonekids.com. Et oh, j'ai oublié quelque chose de très important. Les propriétaires, les enfants de les propriétaires de ces écouteurs-là peuvent remplacer le dessus de la coquille des écouteurs par des dessins faits par d'autres enfants sur myphonekids.com. Donc, vous pouvez vraiment changer l'extérieur de la coquille des écouteurs pour faire cute. Hein? Ouais, mais justement, ils ont-tu le choix de mettre quelque chose de beau aussi ou ils sont obligés de mettre des dessins d'enfants? Ben, les enfants peuvent avoir du talent dans les logiciels de dessin pour faire des beaux petits designs. Ah, OK. Oh. C'est pas nécessairement laid parce que les enfants qui le font, qui ont une espèce d'enfantiste. Mais n'est-ce pas ça, je voulais dire? Bon, c'est bien, défends-toi donc. Tiens, un sofa avec des ordinateurs à l'intérieur et deux écrans. Donc, vous allez plus jamais parler à votre copain-copine, finalement. Vous allez seulement rester sur ces écrans-là. C'est un divan à deux places avec, ben, ça s'appelle probablement le Athena Sofa. C'est équipé de deux écrans LCD qui sortent des accotoirs sur le côté. Caché en dessous du divan, il y a un PC avec un dock, là, une chose pour mettre son iPhone ou son iPod. Et la chose est remplie de haut-parleurs et un subwoofer de 8 pouces. Imagine, c'est parfait, ça. Hein? Beau petit meuble à 15 436 $. C'est beau, hein? Donc, pour être assis chacun à notre bout du divan puis écouter chacun la télé... Et plus jamais se parler. Individuellement. C'est fini. Ou peut-être que vous pourriez construire votre propre divan pour beaucoup moins cher, peut-être 50 fois moins cher, dit l'article. C'est vrai, hein? Ouais, peut-être. Peut-être. L'idée est déjà implantée dans votre cerveau. J'espère qu'en fin de semaine, votre petit projet avancera et vous aurez un divan avec des écrans et un ordinateur complet. Les portables, c'est génial, Kiwan, tu sais. Tout le monde aime ça, les portables, je pense. Eh oui. C'est unanime. Mais ils ont quelques désavantages. Le plus grand problème, c'est d'utiliser une souris à part de ça avec ton portable. Parce que, tu sais, le trackpad, c'est bien, bien beau. Mais c'est le fun d'avoir une souris aussi, tu sais. Dans ce cas-ci, ça s'appelle le... attends, le nom. C'est de Logitech, la compagnie. Ça s'appelle le Lapboard, d'accord? Donc, c'est une planche avec un tiroir comme tapis de souris. C'est un petit tiroir qui sort. C'est comme ça, dans les bureaux, des fois, tu vois ça, t'as un petit truc que tu peux sortir pour mettre ta souris dessus sur ton tiroir de clavier. Mm-hmm. C'est la même chose, mais pour un portable. Donc, tu mets ça en dessous de ton portable, tu mets ça ton portable par-dessus, tu sors le petit tiroir, tu mets ta souris dessus, et là, t'es parti pour la soirée. Et c'est Logitech, donc on sait que c'est un bon produit. Compagnie Logitech, absolument réputée. C'est anti-glissade aussi de l'ordinateur, donc vous le retrouverez pas à terre. C'est parfait pour surfer sur le net avec une souris dans le divan, comme ça. Ça coûte seulement 30 $. Plus tard ce mois-ci, ça va être disponible. Moi, j'en veux un. Ouais. C'est comme ça, je fais de la pub, mais tout le monde. Mais tu sais, ça aussi, il y a moyen de s'arranger pour... Ouais. Je suis pas si cher, puis c'est tout bien fait, là, mais tu sais... Une planche de bois bien large, là, tu vois. Une vieille bible, je sais pas. Là. Ben oui, moi, n'importe quoi pour mettre un couteau dans une... Non, OK. On va pas s'avancer là-dessus. Détruire une bible. OK, non, mais tu mets ta souris dessus, tu sais, un vieux livre, n'importe quoi. N'importe quoi qui est plat, bon, tu mets à côté de ton genou sur le divan, puis ça fait pareil. Et voilà. Bon. Ben, c'est pas toujours aussi efficace avec une souris, là, sur un divan. Non, ça doit être bien plus beau, ton petit kit. Rabat-joie. Laisse-moi dépenser mon argent. Je suis sûr que c'est plus cute, là, ton petit kit. On va terminer avec une baguette magique, la Chimera, qui est une télécommande universelle pour les fans de Harry Potter qui veulent être absolument certains que personne d'autre ne changera jamais la chaîne de la télé à leur insu. C'est un article de Branchez-vous Gadget. Cette baguette magique produite en édition limitée n'a aucun bouton ni quoi que ce soit du genre, mais elle contient un accéléromètre qui lui permet de détecter une douzaine de mouvements différents. Une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre va hausser le volume, un petit coup vers le haut pour passer au poste suivant, etc. On va pouvoir adapter les mouvements à la manipulation de n'importe quel appareil électronique télécommandé par infrarouge et... Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de fréquenter Poudlard pendant 7 ans, il semblerait que quelques minutes de pratique suffisent pour apprendre à maîtriser la gestuelle. Ça va coûter 125 $, j'adore. Ouais, c'est cool, ça. Vraiment génial. C'est le même principe, dans le fond, qu'une manette de Wii, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. T'as juste à apprendre les mouvements. Puis, tout le monde change de poste, monte le volume, génial. C'était la chronique CNX de mardi, Gogo Gadget. Évidemment, vous êtes à CNX.z pour on compresse toutes les chroniques CNX diffusées dans l'assemblage requis. Ça, c'est du lundi au jeudi, entre 15h et 17h. D'ailleurs, il y a une chronique aujourd'hui, tout à l'heure, autour du net, vers les 15h20 dans l'assemblage requis. Avant de continuer avec la chronique de mercredi qui est autour du net justement, hein, c'est pas si longtemps que ça qu'on le fait, hein. Voici les nouveautés en magasin pour la semaine du 27 septembre 2009 selon GameSpot. On commence par un jeu qui est très bien coté sur GameSpot 8.0. C'est un jeu de rôle Kingdom Hearts 358/2 Days. Ça sort sur DS demain. Ryzen sur PC sort le 2 octobre. Ça sent bien, c'est un autre jeu de rôle. Ninja Gaiden Sigma 2 sur PS3, très attendu. C'est un jeu d'action-aventure, ça sort demain. Gran Turismo sur PSP, ça sort le 1er octobre. C'est un jeu de course avec plus de 800 modèles de véhicules. Dead Space Extraction sort sur la Wii, c'est un jeu d'action-aventure. La prequel, ou la pré-suite, ou la truite, que je l'appelle, du jeu d'horreur action Dead Space. Elven Legacy Ranger sort sur PC le 3 octobre. C'est un jeu de stratégie tour par tour. Undead Knights sur PSP, c'est de l'action-aventure. Ça sort demain. Obscure The Aftermath sur PSP, c'est un jeu d'horreur et survie. Motorstorm Arctic Edge sur PSP, c'est un jeu de course. Cabala's Big Game Hunter 2010 sort sur Xbox 360, oui, PS3 et Nintendo Wii. My Sims Agent sur Wii et DS, c'est un puzzle. Il y en a vraiment beaucoup cette semaine des sorties. Battle of Giants Dragons sur DS, c'est un jeu d'aventure. Valhalla Knights Eldar Saga sur la Wii, c'est un jeu de rôle. Family Party 30 Great Games Outdoor Fun sort sur la Wii, c'est une compilation de 30 jeux qui est la suite de Family Party. Il y a des arts martiaux, des sports d'équipe, des trucs comme ça, de l'athlétisme. Et finalement, The Wizard of Oz Beyond the Yellow Brick Road sort sur DS. Ça présente une méthode de gameplay accessible dans un univers en trois dimensions. Avec une trame sonore originale, voilà. Ça sort sur DS, c'est ce qu'on appelle un jeu de rôle, oui. Et ça sort demain. Voilà, c'était les nouveautés en magasin pour la semaine du 27 septembre selon GameSpot.com. Plus tard dans l'émission, il va y avoir de la musique de jeux vidéo. Il va aussi y avoir la chronique de jeudi, jeux pour le bureau. Et on va se faire plein d'autres contenus super le fun. Mais avant ça, on prend une petite pause. Et puis on revient après la pause à CNX.zip. C'est fou, dans ton salon. CNX.zip, l'émission de la radio. Bonjour, c'est la deuxième moitié de CNX.zip, l'émission qui compresse les chroniques CNX diffusées dans Assemblage requis du lundi au jeudi de 15h à 17h. Plus tard dans l'émission, il va y avoir la chronique de mercredi et celle de jeudi, donc autour du net et jeux pour le bureau. Et aussi, on va parler de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire, tout ça plus de la musique de jeux vidéo, bien évidemment d'ici la fin de l'émission. Mais avant ça, on va entendre Malajub avec leur très courte pièce, mais très très bonne, jus de canneberge. Aujourd'hui dans la chronique technologique CNX, on fait le tour du net. Donc les sites web qui m'ont marqué, que je trouve intéressant, que les gens ne peuvent pas arrêter d'en parler sur l'internet, Kéwan. Ils peuvent juste pas y essayer, mais ils sont pas capables de s'en tenir. On commence avec un écran LCD humain. Hein? C'est en Asie que ça se passe, où on voit des gens à une partie de match de peu importe. Et puis là, ben, ça fait le tour des blogs en ce moment. Je pense que la vidéo est quand même assez vieux, mais c'est vraiment assez impressionnant à voir comment les gens synchronisent pour faire des affaires vraiment impressionnantes. Il y a du mouvement là-dedans. C'est comme un dessin animé tellement ça bouge. Okay, les gens dans les gradins qui se virent de bord, qui leur linge, c'est leurs vêtements, okay. Écartés comme ça. Et c'est très, très impressionnant à voir. Ok, ben ouais, je suis pas sûr que je comprends le principe. Des gens, là, des gradins, d'accord? Ils sont placés dans les gradins. Oui, ils bougent leur corps ou leurs vêtements, virent leur manteau à l'envers. Et ça fait vraiment comme de l'animation quand tu le regardes de très, très loin avec une caméra. Ok. C'est clair? Wow. En tout cas, c'est vraiment bien. Moi, ça m'a impressionné. Même si c'est vieux, c'est nouveau pour moi. Et peut-être pour vous aussi. Quelque chose qui est là, très, très nouveau, c'est Hot Chicks with Dogs with Boners. En fait, la base vient sur Internet d'un site que les gens aiment beaucoup, qui s'appelle Hot Chicks with Douchebags, où on retrouve de belles filles avec des imbéciles, des gars, tu sais, avec les cheveux crêpés, avec, tu sais, la face orange tellement qu'ils se mettent de l'autobronzant, tu sais, des fiers à bras, tu sais, comme il y en a de temps. Ben ça, c'est le site Hot Chicks with Douchebags. C'est des commentaires sur ces photos-là. Ici, c'est inspiré de ça. Hot Chicks, donc des belles filles, with dogs, donc avec des chiens, with boners, avec des érections. Donc, l'idée, c'est des filles avec des chiens qui font des choses drôles, mais c'est juste le fun à voir. C'est un blog de photos, là, littéralement, très facile à comprendre. Sinon, il y a d'autres sites dans la même famille. Hot Chicks Picking Up Dog Shit, donc des belles filles qui ramassent de la merde de chien. Ou Hot Chicks With Hot Dogs In Their Mouth, des belles filles avec des saucisses à hot dog dans la bouche. Ça fait partie d'une famille de sites de photos. Allez voir pour passer beaucoup de temps à regarder ces photos assez incroyables. Penses-tu que ça a été fait par des filles jalouses qui laissent venger les belles filles? Ah, ça ne me surprendrait pas, ça. Parce ou les ex de ces filles-là. Ouais, peut-être, parce qu'il n'y a pas vraiment de photos qui mettent beaucoup à l'avantage des filles. C'est ça, exactement. Je pense pas que ce soit les filles elles-mêmes qui envoient les non, photos. Non, ouais, c'est ça, vraiment pas. Peut-être les chiens, mais je ne suis pas prêt qu'ils sont rendus là encore. Ah, peut-être. Bref, il y a une version pour téléphone cellulaire, il y a une archive à aller voir et vous pouvez cliquer sur le bouton pour avoir des photos au hasard sur chacun des sites de cette famille-là. Une publicité en ligne qui fait le tour du net en ce moment, c'est les parties de lancement pour Windows 7. Tu sais peut-être qu'il y a une nouvelle version de Windows qui s'en vient, Windows 7 après Windows Vista. Et là, on vous recommande d'héberger votre propre party, votre propre fête pour le lancement de ce nouveau Windows. Et là, il y a une belle petite, un beau petit groupe de 4 personnes qui représentent plusieurs segments de la population qui pourraient utiliser Windows 7. Et puis là, ben, ils parlent à la caméra. « Ah, c'est le fun d'organiser mon party. Là, il faut organiser à l'avance et regarder les petites vidéos d'instructions pour comprendre. Et puis après ça, vous faites vos collations puis vos petits breuvages. » Puis ils expliquent vraiment en long et en large comment faire un party de lancement pour Windows 7. Mais pensez vraiment qu'il y a du monde qui vont le faire. Pensez qu'il y a du monde qui vont regarder cette vidéo-là et qui vont dire « Waouh, bonne idée, j'en fais un. » Je sais pas s'il y a une récompense, peut-être. Je sais pas si Windows fournit les chips ou les Tostitos. Faudrait aller se renseigner. J'ai pas fait le travail là-dessus parce que jamais je ferais un party de lancement pour un système d'exploitation. Mais la raison que j'en parle, c'est particulièrement parce que sur le blog de Cables, ça s'appelle Cables Blog LOL ou Cable.name, mais le lien est sur assemblagerequis.com, on fait une parodie de ça. Et là, le gars a coupé des bouts, d'accord, pour faire une seule petite pub de 2 minutes où il a mis des bips par-dessus les voix pour que ça ait l'air de partir d'un autre genre. Bref, je vous invite à aller voir ça. C'est assez coquin. Assez coquin. Windows 7. Tiens, sur le site thenextweb.com, on parle d'un gars qui s'est fait tatouer un message d'erreur de Windows sur le bras. Ça vaut la peine juste d'aller voir ça parce que c'est drôle. Pas nécessairement récent, ça non plus, mais ça fait le tour d'Internet en ce moment. C'est pour ça qu'on le dit, des fois. Un gars avec le message d'erreur, c'est sur écran bleu, là. Les caractères qui apparaissent sur l'écran. Mais là, c'est sur son bras. Vous connaissez peut-être le site cuteoverload.com. Ça, c'est super bon comme site. C'est très mignon. C'est des lapins, des tortues, des chats, mais qui sont juste mignons. Maintenant, il y a un nouveau site. Et là, c'est vraiment nouveau de récemment, dans le sens de récemment. Ça s'appelle dreamingofkittens.com. Et c'est de jolis petits minets qui dorment. Donc, on les voit en train de ronfler et d'être juste vraiment mignons. Et les gens adorent, j'adore moi-même. Ah oui, t'es un fan de chatons qui dorment. Ça déstresse. Ouais. Ça relaxe. Il y en a qui font d'autres choses pour te déstresser. Regarder les chats, c'est une façon de faire, ça. Je vous juge pas et je me juge pas moi-même. Non, on juge pas personne. Tu sais, pourquoi tu parles de jugement? Je sais pas. Parce qu'on est dans une société très tolérante. Animalswithlightsabers.com, un autre nouveau blog d'animaux avec des lightsabers comme dans Star Wars. Donc, on peut voir un petit... c'est quoi? C'est un colibri, une sorte d'oiseau. Pas un fanatique d'oiseau. Des renards, ça? Avec des lightsabers. Donc, dans le fond, on prend des photos d'animaux vraiment cute avec la patte dans une situation, dans une position propice à insérer un lightsaber. Et on y insère par ordinateur un lightsaber, un sabre de lumière, comment on appelle ça en français? Un sabre, en tout cas, une épée de lumière. Hein? Bon, on se comprend. Il y en a plein. Et il y a même des petites parodies avec des effets de du texte décrit dessus. Là, c'est comme super dark. En tout cas, c'est le fun. Allez voir ça. Il y a même un hamster. Animalswithlightsabers.com. Wow. Sur Reddit.com, maintenant, une liste de tous les 22 802 mots dans le dictionnaire du jeu Scribblenauts. Jeu Scribblenauts qui est sorti très, très récemment. C'est un jeu pour la Nintendo DS où on peut écrire des mots sur le clavier dans le jeu. Et puis, le jeu a comme un dictionnaire intégré. Et là, ça a pris des mois et des années de travail, mais la plupart des mots que vous pouvez taper vont se reproduire dans le jeu. Si tu tapes une vache, une vache apparaît dans le jeu. Puis là, c'est un jeu vidéo, là. Ouais, c'est un jeu, mais... C'est incroyable. Est-ce que c'est le fun ou... Super le fun. Les gens adorent ça. Les critiques sont super bonnes pour ce jeu-là. C'était attendu depuis pas mal longtemps. Mais la liste des 22 802 mots, ça m'impressionne pas mal. Il y a entre autres des modes d'Internet, des mimes, comme on appelle, des MEME. Là. C'est comme des modes sur Internet, là. Comme le petit hamster qui se vire en faisant un genre de... Non, je n'ai pas vu cette vidéo-là. Pas au courant des modes sur Internet, Pas tellement, moi, non. C'est pas grave, mais pour ceux qui savent, il y a le Ceiling Cat qui apparaît. Si tu tapes Ceiling Cat, ça, c'est comme c'est une blague sur Internet où tu vois un chat qui sort d'un plafond. C'est comme c'est le dieu des chats. J'ai des blagues de chats sur Internet, en tout cas. Il y a aussi All Your Base Are Belong to Us, qui vient d'un jeu vidéo là, très mal traduit. Il y a God, Dieu est dedans. Éthanol. Il y a vraiment des mots complètement stupides, là, tu sais, que personne ne va vouloir taper de la root beer, c'est là. C'est dans le jeu. Tu tapes le mot root beer sur le petit clavier et ça apparaît dans le jeu. Bref, le dictionnaire complet des jeux, dans des mots dans Scribble Knots sur Nintendo DS, qui est maintenant en magasin. Est-ce que tu connais Hot or Not? Non. C'est un site où tu dois, en fait, c'est sur hotornot.com, tu dois dire si tu trouves que la fille est belle ou pas. OK. C'était vraiment super superficiel. On te montre une photo d'une fille, es-tu belle ou es-tu pas belle? Bon. Ici, c'est pas le but de mon blog ici, c'est Raid My Professors. Non, excuse-moi, c'est un autre site qu'on connaît. Ici, c'est Raid My Fish Tank. Voilà, c'est celui que je cherchais. C'est une façon de coter des aquariums de gens et des poissons dedans. Des heures à dépenser et à gaspiller là-dessus. Ah, ça, je trouve qu'il y en a du monde qui sont vraiment fiers là, de montrer leur kit là, d'aquarium. Là. Ah, puis il y en a de tous les styles. Hein. Il y en a avec des plantes, avec des roches, avec des coquillages. Tout est là. C'est sur ratemyfishtank.com. Ah ouais, mais il y en a quand tu commences ça, là, il y en a vraiment, c'est presque une occupation à temps plein. Là, t'occuper de ton aquarium. Quand tu commences à avoir des plantes, faut, en plus de prendre soin de tes poissons, nourrir, tu prends soin de tes plantes, tu les coupes, tu les trimes comme une haie, ça finit plus. Ouais, c'est ça, quand tu commences à couper tes poils à quelque part aussi, ça finit plus. Hein, c'est, tu coupes partout. Et puis finalement, Glamour Puss, qui est basé sur un autre mime, une mode sur Internet, de mettre des perruques sur des chats. Hein. Donc, deux personnes qui ont fait un livre basé là-dessus, sur la mode. Donc, allez voir ça, il y a des photos dans l'article que j'ai posté qui vient de hurles.com. Des beaux chats avec des perruques mauves et des perruques bleues et blanches et rouges et toutes les sortes de perruques. C'est juste, je tenais à en parler parce que c'est ce qui fait frémir le web en ce moment. Il y a une thématique autour des animaux domestiques, on dirait. Hein? Ben, sur Internet, quand tu fais quelque chose avec des animaux domestiques, ça risque pas mal d'être populaire. T'sais. Ouais. Ouais. T'essaieras avec ton ta tarentule, ton serpent. T'as pas d'animal, non? Non. T'as pas de serpent? Non. Bon. Je retire mes paroles alors. OK. Bon. Ben, il y a peut-être des rats chez nous, mais je sais pas. Je pense pas que c'est considéré comme un animal domestique. Ah, ok, ouais, t'es infesté d'insectes, dans ta maison de pauvre. Ouais, dans mon quartier de pauvre, ça arrive des fois. Mais je l'aime beaucoup, mon quartier. Je le juge pas, je l'aime, j'adore habiter là. Ton ghetto. Ah, pour Kiwan, je m'acharne sur lui tellement souvent. C'est la chronique de mercredi, ça, autour du net. Il nous reste celle de jeudi, jeu pour le bureau. Et je vous rappelle que vous êtes à CNX.zip qui compresse les chroniques CNX diffusées dans Assemblage requis. Ça, c'est du lundi au jeudi de 15h à 17h. Et d'ailleurs, plus tard aujourd'hui, lundi, vers les 15h20, il va y avoir une autre chronique autour du net. Donc, soyez là pour ça, Assemblage requis avec Kiwan et moi, Mathieu Plante. Avant de continuer, c'est ça. Hein? Bon, regardons un petit peu ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Ça n'a pas toujours du sens comment les mots sortent de ma bouche, mais c'est pas grave. Commençons par le 22 septembre 1986. Tiens, une décision a été prise. C'était la victoire de fabricants des intérieurs d'ordinateurs, si on veut. Un juge fédéral a dit que le code qui est utilisé pour faire fonctionner des ordinateurs et d'autres appareils électroniques pouvait être mis en marque de commerce ou copyrighté, hein, comme du matériel imprimé. Donc, c'est la décision qui a été prise en 1986. Le 21 septembre 1995, voilà. Un article du New York Times parlait des dangers de faire confiance aux ordinateurs un petit peu trop fort, hein? Après qu'une enquête ait révélé qu'une erreur de programmation aurait contribué au crash ou, disons, à l'accident d'un vol de American Airlines, le vol 965 en Colombie. C'était en décembre 1995, donc les pilotes auraient apparemment sélectionné le premier choix dans leur ordinateur là, pour guider l'avion, l'autopilote de l'avion jusqu'à l'atterrissage, sans vérifier si c'était vraiment ce qu'ils voulaient. Donc, résultat, l'avion voilà, a été dirigé à 100 000 d'où il devait aller, ce qui a, dans le fond, résultat 159 morts. Vraiment très triste à cause d'une erreur d'ordinateur. Sinon, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé tant que ça. Il y a plein de gens qui sont nés. Il y a le hacker Kevin Mitnick, 33 ans, en 1996, le 27 septembre, a été trouvé coupable après avoir fait du hacking. En français, comment on dit? Du hackage. Pendant 2 ans et demi, la police a accusé le hacker qui s'appelait Condor à ce moment-là d'avoir volé des logiciels qui valaient des millions de dollars de corporations d'ordinateurs majeurs. La sentence maximale possible pour ces crimes était de 200 ans. Voilà donc pour ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire selon le Computer History Museum. Maintenant, ben, on retourne. Avant de passer à la chronique de jeudi, jeu pour le bureau, j'ai envie d'écouter un petit peu de chiptunes parce que la semaine dernière, si vous étiez avec nous, on n'a pas passé de chiptunes du tout. Pas eu de temps du tout. Et cette semaine, ben, on en a. Donc, voici YMCK et Nemesis Murder. À CNX.zip, c'est l'émission la plus geek de la radio. Wow. Dice AGM ou Albino Ghost Monkey avec la pièce Regardless qui essaie de résumer la fin de l'été. L'absence des enfants qui jouent dehors et les jours où tu dois porter une petite veste. Une petite laine. Hein? Donc, Dice AGM qui se rappelle de ces trois mois d'été de souvenirs et les résume en dedans de trois minutes. Mm-hmm. Alors, on s'en a entendu Nemesis Murder par de l'album L'International, un album de remix de Sajamakot. Ça, c'est remixé par YMCK, style très caractéristique de YMCK, que j'adore. Donc, la pièce Nemesis Murder. Vous êtes à CNX.zip qui compresse les chroniques CNX diffusées dans l'assemblage requis du lundi au jeudi à 15h. Voici la chronique de jeudi. C'était Jeu pour le bureau. Jeudi. Et on passe héros dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. C'est normalement drôle, cette pièce-là. Ça met de bonne humeur à tout coup, hein? C'est Super Mario Bros. Des années 80. Aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, on parle de quelques jeux pour le bureau. Donc ça, c'est des jeux à jouer pendant vos pauses ou peut-être pendant que votre patron ne regarde pas ce que vous faites. Subtil quand même, hein, comme façon de dire les choses. C'est un peu dans ta face, hein? Ouais, là, tu vas donner des sites pour les jeux, mais tu donnes pas les trucs, non, par exemple, pour pouvoir jouer sans se faire prendre par son patron. Un petit Windows C sur un PC, ça... Windows D, excuse. Ça montre le bureau, c'est bien. Ah, OK. Windows D. OK, donc, stéréogramme. Tu connais les stéréogrammes? Non. Non, ben, est-ce que tu te rappelles, dans le bon vieux temps, des affiches ou des livres que tu pouvais regarder avec les yeux cross-eyed? Puis tu pouvais voir au travers de l'image. C'était comme bizarre, puis tu regardais... Oui. J'ai jamais réussi, je pense, à voir rien là. Moi non plus, je suis pas un expert de ça du tout. Ça donne mal à la tête, souvent. Bref, ici, c'est Stereogram Tetris. Donc, c'est Tetris à l'intérieur d'un stéréogramme. Vous pouvez regarder au travers de ces images 3D, voir où sont vos morceaux alors qu'ils tombent. C'est peut-être pas une façon très, très bonne pour votre tête ou pour votre corps, votre vie, mais c'est une belle preuve que ça peut se faire dans un jeu vidéo. Donc, c'est une partie Tetris derrière un stéréogramme. Ça dit... vas-y. Non, mais donc, toi puis moi qui n'ont jamais réussi à voir rien dans les stéréogrammes, on peut absolument pas jouer à ça. Là. On pètera pas le score là-dessus, c'est sûr. Pas. Il y a trois niveaux d'habileté, donc peut-être le plus facile. Et je sais pas si tu peux voir facilement à travers un stéréogramme. Je pense que tu vois ou tu ne vois pas. Mais le niveau du jeu, la difficulté, lui, on peut le changer. Il y en a trois. Difficile, je vais au moins, essayer de battre le 100 points. Mais je pense pas que ça se fasse. Okay. Tu vas essayer de faire 100 points avant de perdre l'usage de la vue ou de ton cerveau carrément. C'est à vous risquer péril. Oh. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com, c'est Stereogram Tetris. Un autre jeu de Tetris, dans un thème comme ça, on fait un beau petit lien. Des jeux à la Tetris. Il y en a beaucoup. Beaucoup de styles. Beaucoup ne ressemblent pas du tout à Tetris, mais tout le monde dit que c'est dans le style de Tetris. C'est un petit peu ce que je pense de celui-là. Dans le fond, au lieu d'ajouter des drôles de morceaux ou des drôles de... Bon, les morceaux sont de formes bizarres, mais il n'y a pas de niaiserie comme on pourrait rajouter dans d'autres styles de Tetris, là, comme des bombes ou des n'importe quoi. Bref, Equanimity, c'est le nom. C'est un jeu basé sur la physique, donc il y a une balance, si on veut. Pas si on veut, c'est une balance, c'est une planche sur un genre de truc. Là, balance, comprends-tu? Ici, tu perds une vie à chaque fois qu'un morceau tombe en bas de la balance, d'accord? Donc, les morceaux ne s'imbriquent pas comme Tetris. C'est pour ça que je trouve que ça ressemble pas vraiment à Tetris. Il y a différentes formes géométriques et on peut les éliminer en matchant trois de la même couleur, un peu comme sur pas mal tous les jeux sur Internet. Le défi de Equanimity est de... c'est la plateforme qui bouge, en plus des formes de certaines pièces qui s'empilent mal ou encore pas de la façon que vous le vouliez. C'est un jeu qui va pas aussi rapide et c'est pas aussi difficile que Tetris, mais il y a un petit côté zen. L'esthétisme du jeu est très très beau, des belles petites couleurs pastel. Ça s'appelle Equanimity. Le prochain s'appelle Go Home Ball, qui est aussi un autre jeu de physique, mais un petit peu plus basé sur des balles qui tombent. En fait, l'idée, c'est qu'il y a une boule rouge qui tombe du haut de l'écran, qui sort d'un genre de tronc d'arbre, et là, elle roule sur différentes plateformes qui sont placées de différentes façons. Et il faut amener la balle au bas de l'écran où il y a un autre trou dans un autre tronc. Il faut ramasser toutes les pièces d'or sur le chemin, et là, tu as différents outils pour t'aider dans ta quête. Donc moi, j'ai retenu que c'était un jeu de balles, il y avait des troncs et des outils. Je pense que j'ai retenu l'essentiel. Ouais, toutes les références sexuelles que tu pouvais faire sont pas mal crochées. Je pense que je les ai toutes faites. T'as des outils pour bouger ta balle à travers les différents niveaux. Normalement, c'est un genre de petit bâton là, qu'on peut mettre sur le chemin pour traverser par-dessus des trous ou encore une main qu'on peut utiliser pour tasser la balle et l'amener dans la bonne direction. C'est mignon, c'est tout simple, c'est super le fun. Il faut du timing, il faut placer les choses correctement et il faut être habile avec la souris. C'est Go Home Ball. On parle de chats très souvent dans la chronique CNX. J'en ai parlé en masse hier dans mon tour du net, hein, les petits chats. Mais en général, dans ta vie, t'en parles pas mal. C'est pas mal un des sujets que je préfère. Ici, ça vient de la compagnie Rock Ridge Games, d'accord? Le jeu s'appelle Kitty Chorus. Tu contrôles 6 jolis petits chats dans 2 jeux différents dans le même jeu. Il y a comme 2 portions du jeu. Here Kitty Kitty et Kitty Diddy. Hein? Kitty Kitty. Le premier, Here Kitty Kitty, c'est comme une version genre de, comment on appelle ça, le jeu Simon Says, là. C'est comme un genre de tarte avec des pointes de couleurs, et là, il te montre une séquence de couleurs, et tu dois réappuyer sur les bonnes couleurs. Tu sais, c'est un jeu avec des batteries, qu'est-ce que ça? Faut que tu reproduises la suite de couleurs. Que ça, pour les enfants préscolaires, ça, ou? Non. OK. T'as jamais joué à ça? Non, vraiment pas. Reproduire. En tout cas, donc, dans celui-là, c'est la même chose, mais avec des chats. Donc, les chats vont faire la petite affaire, puis là, ben, tu dois taper sur les boutons qui sont en bas dans le bon ordre de chats. D'accord, ça c'est Here Kitty Kitty. Et Kitty Diddy, ça vous permet de composer des chansons avec les chats qui vont agir comme votre genre de backup singer, de choriste, si on veut. Donc tu peux jouer des chansons connues ou encore écrire ta propre musique. Et quand tu es heureux de ta chanson que tu as faite avec les petits chats, ben, tu peux l'envoyer et la partager avec les autres. Hein? T'en as-tu fait une, toi? Non. T'en as pas fait une? Non, j'ai joué à Simon Says, par exemple. Ah, OK. Ouais. Reproduire les sons des chats. Non. Pas croire que tu te rappelles pas le jeu-là. Non, vraiment pas. C'est pas grave. Et on termine avec un article que j'ai vu sur makeyouseof.com qui est en tant que tel pas nécessairement un jeu, mais un endroit où aller puiser des jeux de NES. Hein? Tu sais, on peut jouer à des jeux vidéo sur Internet comme ça, des jeux de NES. Et là, il y a VNES qui est recommandé par l'article sur virtualnes.com. Chacun ses avantages et ses désavantages. L'autre, comment il s'appelle l'autre déjà? En tout cas, VNES, puis l'autre, que je ne trouve pas. En tout cas, playnes.net, voilà, qui est l'autre adresse. Il y a un long article qui décrit pas mal les fonctions de chaque. C'est sur assemblagerequis.com qu'on peut trouver le lien. D'accord. Voilà pour des jeux pour le bureau, c'était bien. Hein? Mm-hmm. Mm-hmm. Des petits chats. Moi, je travaille pas dans un bureau, donc je pourrais pas jouer, malheureusement. Mais dans un camion, c'est un peu difficile. Faudrait que tu fasses une prochaine chronique CNX, les jeux pour camion. Pour camionneur? Ouais. Je suis pas mal sûr que tu vas te faire arrêter si tu joues avec un portable dans ton camion. Ça se pourrait. Ton cellulaire, peut-être? Tu pourrais te mettre à jouer à Tetris là-dessus. Mais je pourrais me faire arrêter aussi. Aussi. Ouais. Aussi. Ça paraît moins, par exemple. Ouais, c'est vrai. T'es plus haut que les autres. Fait que c'est absolument ridicule. C'était la chronique de jeudi, jeu pour le bureau, dans la chronique technologique CNX qui est diffusée du lundi au jeudi dans Assemblage Requis entre 15h et 17h. Donc, soyez-y. Dans Assemblage Requis, il y a la chronique CNX et dans les chroniques CNX, il y a différents thèmes. Hein? C'est comme une roulette chanceuse de thèmes. Hein, c'est n'importe quoi. Celle d'aujourd'hui, de plus tard dans la journée, là, vers les 15h20, tantôt, il va y avoir une autre chronique autour du net. Donc, soyez-y. Il y a plein de choses vraiment intéressantes là-dedans. Et puis, nous, ben, c'est déjà pas mal la fin pour cette édition de CNX.zip. On va se retrouver la semaine prochaine, toujours les lundis à 10h, pour compresser une autre semaine de Chronique CNX. Allez voir assemblagerequis.com pour tous les liens de l'émission d'aujourd'hui et tous les liens de toutes les autres émissions. Assemblage Requis, dans la porte à gauche, etc. Les palmarès, c'est fou. Voilà, lundi au jeudi, 15h, Assemblage Requis. On se quitte avec la musique de Lini et Ouchfire. Ça s'appelle Deafening Ouchfire Remix. Ça vient d'une compilation. En fait, cette pièce-là ne vient pas de la compilation, si je comprends bien, mais vous pouvez télécharger l'album au complet qui contient la version remix, mais pas la version originale de Deafening. Donc, ça s'appelle 8-Bit Heart Restart, qui fait 8-Bit Heart. Des fois, je veux trop bien dire les choses. 8-Bit Heart! Allez voir sur l'article d'assemblagerequis.com pour aller télécharger ça. La pièce s'appelle Deafening, la semaine prochaine. Et ça va être le dîner de con à 11h, donc restez là. Bye! Dash.com. I the surface of the sun. Burns like the surface of the sun. The surface of the sun. Ever.